de la clairière. Excellent, ils attaquent. À 10, ils attaquent. Je vois, Manfred. Je vois. Ils sont tous prêts. Oui, seigneur. Et je peux rester un peu là, moi, pour voir comment ça se passe. Non, mais c'est juste comme ça. Pourquoi? J'ai jamais vu une bataille d'un œil extérieur. Prépare-toi, l'assaut. Ça va faire mal. Les rats s'élancent sur la clairière, eux aussi. Ouais. Nous allons perdre beaucoup des nôtres. Je sais. Mais vous en auriez perdu tout autant en ne faisant rien, César. J'espère profondément que vous n'agissez pas pour les mêmes raisons que votre père, Mila. J'espère que ce n'est pas votre orgueil qui commande. Paix à leurs âmes. Je vous en prie, faites que j'ai raison. Les deux armées piétinaient la clairière. Secoué sur le dos de Berthold, je voyais les troupes de Ratis courir vers nous, gueules ouvertes, rats, serpents, blaireaux en tête. Tout se passait vite, trop vite pour que je puisse réellement penser à quoi que ce soit, ni même à qui que ce soit. Nous arrivions au milieu de la clairière. Le chaos, les corps qui tombaient sur la terre humide, les lances qui filaient dans les airs, un peu de sang, les gouttes, les douces lignes qui se transformaient en rivière, les crocs dans la chair, les cris, le bruit, le vacarme, tonitruant. Le chaos. Attention ! La voix de Berthold m'extirpa de ma stupéfaction. Un rat sautait sur notre côté. J'ai juste le temps de lever la lance pour la planter dans son torse. Le rat écarquilla les yeux, gueule ouverte. En une seconde, son expression était passée de la colère à l'étonnement. Pris dans son élan, le rat fut envoyé de l'autre côté de Berthold. Ce dernier donna des coups d'épaule pour se frayer un passage dans la foule. Vu d'ici, je ne savais pas qui pouvait prendre l'avantage. Tous se battaient. Tous tombaient un par un. Le chaos. Une ombre passa au-dessus de nous. Booz et Bender filaient dans les airs. Il décroche! Le corbeau décroche! La vache! Oh, pas mécontent qu'il nous lâche la grappe, celui-là! Ça fait au moins deux bonnes minutes que j'essaie de lui échapper! Remonte, Bender, maintenant, remonte! Mais arrête de me gueuler les airs dans l'oreille! Je suis peut-être un peu sourd, mais ça, je t'entends! J'ai horreur qu'on me commande comme ça! Et d'ici, ils paraissent tout petits! Oh, j'ai vu Squeak! J'ai vu Squeak! Oh oh! Quoi, oh oh? Oh oh oh, au-dessus de nous! J'aime pas quand les gens font l'ombre comme ça! Mais c'est pas une ombre, c'est... Pierre-Jean Grégoire! Des corbeaux, j'en ai marre, des hiboux! Plonge! J'en ai marre, tu me donnes des ordres! Un coup pour que je remonte, un coup pour que je plonge! Ne discute pas! Roger, descends en piqué! Accroche-toi! Dans la forêt! File dans la forêt! C'est là qu'on pourra le semer! Ou même le descendre! Bender, je te trouve bien prétentieux, mon ami! Tant qu'à faire, autant se débarrasser de lui, non? Mon ami. Un bordure de clairière. Ça va être l'heure. L'heure de quoi ? Quoi ? C'est à nous de jouer ? C'est à nous de jouer ! Que toutes les fourmis avancent en arc de cercle. Il est trop tôt, Mila. Aucune des parties n'a encore pris d'avantage. Il est trop tôt. César, vous m'aviez confié le commandement. Parce que j'avais confiance en toi, Mila. Et il est encore trop tôt pour me retirer cette confiance. Très bien. Ziggy, faites avancer les fourmis. Allez !